Bonjour, je suis très content de continuer à animer ce format des soirées refuges qui a été créé pour les guides justement de voyage en 2030 glorieuse qui sont aujourd'hui plus de 120 et qui sont une belle communauté grandissante sur la magnifique dynamique qu'on voit aussi dans d'autres formats d'ateliers, notamment les fresques. Et on est très content de voir à quel point on apporte une belle complémentarité parce que si les fresques, elles font le bilan, l'état des lieux nécessaire de toutes les urgences, de toutes les frontières que nous sommes en train de dépasser allègrement. J'ai l'impression que c'est pas suffisant de dire la fin des mondes en cours. Il faut aussi faire en sorte que toutes ces attentes, tous ces vides que ça crée, on puisse les remplir différemment. Et on sent de temps en temps qu'on fait, nous, un peu avec notre format, le service après-vente de l'éco-anxiété qui est générée par ce type de format qui est croissant, mais pas que d'ailleurs. En fait, l'éco-anxiété, elle est en ce moment aussi palpable dès qu'on allume la télévision, par exemple, et dès qu'on sort presque le bout de son nez de chez soi. Et donc, avec le format de voyage en 2030 glorieuse, on propose de faire en sorte que, là, en l'occurrence, pour les Français, c'est d'autant plus le cas, on arrête d'être Français pendant 2 heures et demie. C'est-à-dire qu'on arrête de commencer nos phrases par oui, mais, qu'on s'autorise à recréer un lien de désirabilité avec l'avenir et qu'on se dise, en fait, demain, potentiellement, peut-être mieux. Le monde qui nous attend, c'est pas du développement durable où on ferait un peu moins pire, mais au contraire, plein d'autres croissances, plein d'autres abondances, comme le dit Dominique Méda, qui est sociologue du travail. Et encore mieux, nous, citoyens, citoyennes, avons la possibilité de les décider et de ne pas attendre qu'on les décide pour nous. Et donc, c'est notre travail avec les 2030 Glorieuses de faire en sorte qu'on se réempuissante sur notre capacité à rêver. Et comme le dit Patrick Vivray, on est en face des stratégies. C'était un peu long comme introduction, mais ça vous donne le cadre de ces soirées refuges parce qu'on a une mission qui est quand même assez complexe. Et donc, on a besoin d'experts, des gens qui ont ces expériences-là, de nouveaux conteurs, de nouvelles conteuses, pour pouvoir justement continuer à nous améliorer dans notre posture d'animatrice et d'animateur, de rêveuse, de rêveur. Et donc, ce soir, on est avec Louise. Je ne t'ai pas demandé comment je prononçais ton nom de famille, Louise, et je suis bien embêté maintenant, puisqu'en général, j'ai l'habitude de dire les noms de famille. Et donc, je te laisserai te prononcer en énonçant ton nom de famille, puisque je ne veux pas faire un impair. Et du coup, Louise, avant même que tu te présentes et que je revienne très rapidement sur ta bio, j'aimerais commencer par te poser la question que je pose à tout le monde quand je les emmène en voyage en 2030 Glorieuse dans le podcast, c'est imagine toi, tu es dans un nouvel événement, une soirée, je sais pas, où tu rencontres des gens que tu ne connais pas. Louise, arrive la question fatidique, toi, tu fais quoi alors dans la vie? Toi, tu réponds quoi maintenant? Tu dis quoi? Le mot qui me vient, c'est écriturière. Écrivain, c'est le premier mot qui. C'est vraiment cet aspect-là que j'ai envie de dire. Après, il y a une autre partie qui est importante dans ma vie, dans mon travail, qui est la partie conseil en écologie, mais conseil, c'est un très joli mot. Et accompagnement, on va dire, sur les questions en lien avec la permaculture, l'écologie, la communication non violente. Et les deux facettes se nourrissent beaucoup l'une de l'autre. Quand on lit la bio qui est présente derrière ton dernier livre, qui m'a été très gentiment envoyé, et d'ailleurs, je le présente là à l'écran, ça ne marchera pas du tout pour les personnes qui nous écouteront dans le podcast de 2030 Glorieuses. Donc, ton livre, c'est La Reverdie. Et ça sera bientôt d'ailleurs même publié aux éditions de la Mer Salée. On a déjà reçu dans le podcast de 2030 Glorieuses Sandrine Roudot, qui est la cofondatrice de cette maison d'édition. Et moi, je suis toujours très heureux de voir les nouveaux romans qui paraissent chez les éditions de la Mer Salée, qui fait justement ce travail des fictions utopiques. Et on en reparlera. Je serais curieux de savoir si toi, tu places ton roman sous justement cette classification des fictions utopistes ou pas. Mais on te reçoit dans ce cadre-là et dans la bio derrière ce livre. On entend que toi, tu as fait des études d'ingénieur agronome et qu'à la fois, dès le début, tu t'étais juré de consacrer ta vie à l'écriture comme si tu n'avais pas le choix. Et j'ai l'impression que tu as tenu ta promesse, hein. Tu as publié de nombreux essais. Là, c'est ton troisième roman. Je dis que tu n'as pas eu le choix parce que j'ai l'impression qu'en général, quand on écrit, c'est une pulsion et qu'on n'a pas d'autre choix. Est-ce que je me trompe d'utiliser ce terme-là? Non, non, non, merci de me dire que j'ai tenu la promesse, c'est vrai. Et effectivement, il y a pas mal de personnes qui me posent beaucoup de questions, en particulier sur les rituels d'écriture, comment on écrit, surtout quand on a des enfants, qu'on a parfois notre travail, et qui me disent, oh là là, t'es courageuse. Mais non, comme tu le dis, en fait, c'est beaucoup plus fort que soi. C'est vraiment tout d'un coup se mettre au service des phrases qui sont là, qui viennent des idées, parfois au milieu de la nuit. Et donc, ça ne demande pas du courage du tout, en fait. Non, je ne suis pas du tout courageuse de faire ça. C'est juste quelque chose qui m'a été donné. Et c'est vraiment vers 12-13 ans que je me suis dit que j'avais envie de... que j'ai commencé à écrire et que j'ai commencé à réfléchir à plein de sortes de textes qui avaient des formes très différentes les unes des autres. Et que je me suis dit que, que j'avais vraiment envie de faire ce métier. Et j'aimais énormément la question du vivant. Et c'est pour ça que je suis devenue quand même ingénieure agronome. Mais quand j'étais à l'école, je ne faisais que lire. Parfois même pendant les cours, il ne faudra pas lire au prof. Je lisais, parce que je savais aussi que pour devenir écrivain, il faut énormément lire. Et donc je lisais. Et donc on est dans ce format d'échange où nous, on va parler pendant une grosse demi-heure, Louise, ensemble. Et puis ensuite, on aura du coup les personnes qui seront avec nous qui viendront te poser des questions, si tu l'acceptes. Et donc commencez à noter si... Carole, Florencia, Lucas, si vous avez des questions qui vous viennent, comme ça nous permettra soit de revenir sur certains points qui ont été évoqués ensemble, soit de creuser d'autres questions qui sont complètement différentes. La première question moi, que j'avais pour toi, pour continuer d'ailleurs un petit peu sur cette idée de ne pas avoir de choix, et j'aime bien d'ailleurs ta présentation sur LinkedIn, tu dis que tu es permacultrice et écrivaine. J'ai l'impression que du coup, dans ces deux notions, dans ces activités, il y a l'idée de cultiver quelque chose. On cultive un sol, on cultive de l'imaginaire. Est-ce que, en fait, c'est deux territoires qui sont complètement différents ou est-ce que c'est deux manières différentes de cultiver le même territoire ? Moi, je n'ai pas forcément la réponse à cette question, mais en tout cas, elle est très belle. C'est vraiment en écrivant La Reverdie, donc ce livre dont tu as parlé, qui sort dans un mois chez La Mer Salée. C'est un récit plus qu'un roman. C'est ce qu'on appelle la non-fiction. Et c'est vraiment exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je rêve depuis peut-être 15 ans ou 20 ans, depuis que j'ai quitté le jardin de mes parents, d'avoir mon propre jardin, de cultiver alors peut-être des champignons un jour avec Carole, ou peut-être de cultiver des plantes aromatiques. Et je ne peux pas le faire pour une raison que j'explique dans le livre. Et du coup, j'ai écrit ce livre comme si c'était mon jardin, vraiment. Et j'ai même fait des fragments, qui sont des petits paragraphes, qui sont comme des buissons ou comme des massifs. Je me suis vraiment posé la question du lien qu'il peut y avoir d'ailleurs entre la permaculture, entre le jardin et entre l'écriture, même s'il est ténu, il y a vraiment des choses qui se ressemblent. Donc c'est vraiment en écrivant ce livre, d'ailleurs moi je comprends les choses en les écrivant aussi, hein, donc c'est cette écriture qui a duré 4 ans, ce récit où je parle beaucoup de la couleur verte, je parle beaucoup du jardin, et c'est vraiment en écrivant que j'ai compris ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très proche dans le fait d'écrire et dans le fait de jardiner, qui sont les deux activités que j'aime le plus au monde. Et en fait, comme tu le dis, dans le livre, je ne l'ai pas encore terminé, donc je vais te demander de ne pas divulgâcher la fin, s'il y en a une. Mais c'est vrai que ça paraît très vite à quel point tu nous ouvres ton jardin intérieur et on sent que le processus d'écriture t'a permis justement de le cultiver, de le creuser. Nous, quand on anime des voyages en 2030 glorieuses, on sent à quel point les compétences peuvent être différentes ou pas d'ailleurs, ça mériterait d'en reparler avec d'autres personnes, mais assez opposées ou en tout cas éloignées de ce qu'on imagine d'un animateur d'atelier qui a besoin de savoir, là en l'occurrence on parlait tout à l'heure d'animateurs de fresques du climat ou d'ateliers d'automne ou tout un tas de choses qui sont en général tout de suite ce qu'on associe à l'idée de l'écologie qui est presque ingénieriale, j'allais dire. Tu sais, on a besoin de compter, on a besoin de réduire, on a besoin de mesurer. Et donc, on a besoin d'avoir des ingénieurs qui nous parlent d'écologie. Et là, en l'occurrence, toi, tu ne nous parles pas du point de vue de l'ingénieur, tu nous parles du point de vue de la personne qui est en quête de sens, qui essaie d'aller au tréfonds de son âme. Est-ce que quand on a envie de faire émerger les rêves des autres, on a besoin d'avoir aussi creusé les siens d'abord? Et si c'est le cas, est-ce que toi, c'est vraiment le fait d'écrire qui t'aide à creuser, à mettre des mots, à aller chercher le rêve en toi, ou est-ce que tu as des techniques, est-ce que tu as des conseils pour ça? Alors moi vraiment, je comprends les choses en les écrivant, je les ressens aussi peut-être. Je crois que pour écrire et aussi sûrement pour animer un atelier, il y a cette nécessité tenir des contradictions, enfin concilier des contraires qui sont justement, enfin moi je parle beaucoup au cerveau gauche droit, mais maintenant je pense que c'est un petit peu dépassé, mais c'est-à-dire d'être à la fois dans cette posture plus peut-être d'ingénieur, et puis d'avoir toujours la porte ouverte à l'aspect plus émotionnel. J'aime vraiment bien jongler entre les deux. Quand on écrit, c'est important d'avoir à certains moments le cerveau plus d'ingénieur qui va dire alors oui, tiens, là, ça va être un nouveau chapitre, ou là, justement, pour construire cette chronologie, j'ai besoin de me dire, voilà, je fais des liens entre des choses qui peut-être a priori n'en ont pas, et de rester aussi énormément dans l'ouverture de sensations, d'intuitions, de rêves, comme tu disais, et qu'il puisse y avoir un subtil mélange, en fait, entre tout ça. Je pense qu'on doit vraiment se mettre, enfin, mêler toutes ces intelligences-là, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il faut naviguer, justement, entre entre tous ces corps qu'on a en nous, tous ces mondes, comme tu le disais au début. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment en écrivant que j'arrive à faire le lien. Et pour moi, c'est d'ailleurs ce qui touche aussi, qui est un endroit, un point de contact entre la littérature et l'écologie, c'est cette question du lien. Donc faire du lien entre les personnages, et les paysages, entre les mondes, entre les vivants, les non-vivants, les humains, les non-vivants, et faire du lien aussi, a priori, entre des choses qui, a priori, n'ont pas du tout, en fait, entre elles. Et c'est ça qui crée, qui met en mouvement, et surtout l'émotion, tu en parlais, l'émotion, donc, je crois que la racine, c'est mettre en mouvement. Donc une émotion, pour moi, c'est de ma maigre expérience, c'est aussi pour ça que je préfère aujourd'hui écrire des romans beaucoup plus que des essais. Dans un essai, on est peut-être à 20-30% de soi, de ses capacités. On est dans quelque chose de parfois un petit peu sec, très mental. Et dans un roman, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus... on va toucher à tous les sujets, tous les territoires. On va pouvoir même inscrire des idées contradictoires. On va pouvoir justement mettre ses émotions et en ce qui concerne justement la mise en mouvement, je pense que c'est l'endroit en tout cas où c'est le plus possible par l'écriture d'y arriver. Enfin, j'ai l'impression, que ce soit en lisant ou en écrivant, c'est dans le roman, dans la narration, dans la fiction, non-fiction, mais c'est dans ces films narratifs qui vont vraiment aller chercher toutes nos facettes. J'ai lu que tu aussi travaillais sur les questions de responsabilité écologique des entreprises, sur la communication non violente. Tu avais une activité de conseil, je crois que tu te présentais tout à l'heure comme ça. Et de ce que je comprends, tu as commencé par écrire des essais et puis ensuite, maintenant, tires plus le fil des romans. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir développé ton art d'écriture a transformé tes prises de parole en entreprise ? Est-ce que il y a des techniques que tu utilises différemment? Est-ce que ta posture a changé ou est-ce que finalement tes deux activités sont deux choses complètement séparées et qui ne s'alimentent pas? Non, elles ne sont pas du tout séparées, elles s'alimentent énormément. En tout cas, dans l'autre sens que celui que tu viens de mentionner, c'est évident, c'est-à-dire que cette posture de conseil, donc d'aller à la rencontre des entreprises, des collectifs, parfois en souffrance, est très très intéressante parce que c'est un peu comme le jardin, un ancrage terrain dans la vie, dans la vraie vie vécue, dans la réalité. C'est la curiosité, c'est aller à la rencontre des autres, c'est voilà, vraiment sentir d'autres vies que la mienne. Et parfois dans mon cahier, justement, je prends des notes pour la partie plus travail, compte rendu, etc. Et puis sur la partie droite, ça va être des choses beaucoup plus émotionnelles, intuitives, des images qui vont venir dans ces moments-là, mais qui me serviront ensuite pour les romans. Donc dans ce sens-là, c'est évident. Dans l'autre sens, je te remercie de poser la question parce que c'est sûr que ça doit aussi jouer, mais en tout cas, je ne l'ai pas conscientisé comme je l'ai fait pour cette partie-là. Je pense que ça me permet de garder une certaine distance, je crois aussi, d'avoir beaucoup lu, beaucoup écrit. Je crois que ça offre une certaine intelligence émotionnelle, donc une capacité à être un petit peu plus empathique peut-être. Et donc, je pense que je progresse un tout petit peu dans ce domaine-là, qui est de pouvoir accueillir vraiment des points de vue qui sont très différents des miens, pouvoir accueillir des émotions aussi très désagréables de la part des autres. Donc, il y a, je pense, dans l'autre sens, puisque ta question était là-dessus, que ça m'aide aussi par rapport à ça, cet accueil des peurs et des points de vue différents et cette capacité à être un peu plus empathique. Depuis tout à l'heure, tu tournes autour de la notion de lien et il y a un petit passage que j'aimerais te lire et donc vous lire de ton livre, de la Reverdy, et qui justement, j'ai l'impression, illustre assez bien ta capacité à créer du lien, en tout cas ta volonté à créer du lien. Je me permets de te lire. Tu commences en disant « D'un côté, la littérature, une communauté minoritaire et parfois radicale d'individus alcooliques et névrosés, ensevelis sous les livres, qui refusent les lignes droites, torpillent les clichés et tentent parfois tard dans la nuit, en pyjama bien sûr, face à leur carnet et plus souvent leur ordinateur portable, de déchiffrer l'indéchiffrable. Et de l'autre côté, l'écologie, une communauté minoritaire, parfois radicale, de végétariens à vélo, ça c'est moi, directement concerné par l'apocalypse, conscient des 9 limites planétaires et pour qui la littérature doit ouvrir les imaginaires en inventant de nouveaux récits. » Est-ce que toi, tu travailles à faire que ces deux mondes se rencontrent ? Est-ce que toi, tu es ces deux mondes qui se rencontrent ? C'est vraiment mon envie, ma raison d'être. Pas toujours facile, pas toujours... Ouais, c'est un exercice d'équilibriste, comme on le vit tous, hein, mais c'est vraiment deux mondes qui sont parfois assez différents, qui ont vraiment des points communs aussi, et j'ai vraiment un pied dans chaque, et j'ai envie de... Oui, d'être cette hybride au milieu de ces deux mondes-là, ce centaure, effectivement. Et le point qui me semble vraiment important, c'est que parfois, dans le monde des écolos, de l'écologie, il y a quelque chose parfois qui devient un petit peu dogmatique. Et la littérature aide énormément à combattre, peut-être un bien grand mot, mais à lâcher, à s'ouvrir par rapport à ces tendance qu'on peut avoir à devenir dogmatique quand on est écolo. Ouais, en fait. Et dans le film aussi, un petit peu. Même, je dirais deux choses, parce qu'on a le fait qu'on est vu comme très, très sérieux, très, très, très technique, très alarmiste et très aride et forcément décroissant. Et je vais m'arrêter dans les adjectifs, parce que sinon, on peut même dire empêcheur de tourner en rond et peine à jouer, et que sais-je. Les écolos ne sont pas vus comme les bons vivants. En général, même, c'est presque une contradiction. Donc, on a, et d'une, une image de marque à travailler, et de deux, en plus, cette image aussi qui nous montre pédant, hautain, comme si nous, on savait et que les autres ne savaient pas, et donc eux qui sont dans l'ombre, nous venons les éclairer de notre lumière. Et donc il y a quelque chose dans notre manière de nous présenter et de nous raconter qui doit changer radicalement. Et j'en joue beaucoup dans la Reverdy, justement, de cette posture-là, parce que je, comme c'est un récit, je parle aussi de choses que j'ai vécues, et donc j'essaye d'ajouter du rire, je ne sais pas si ça marche, mais de la joie, et puis surtout ce que tu dis me fait penser à la question du désir. Donc la littérature, c'est aussi pour moi le monde de l'émotion et le monde du désir. Et mettre du désir peut-être même à des endroits où on ne l'attend pas. Et effectivement, ça fait un mariage heureux avec parfois des problématiques écologiques qui sont austères, comme tu le dis, trop sérieuses. Est-ce que quand toi maintenant tu entends nouveaux récits, nouveaux imaginaires, là nous on utilise le terme d'utopie vivante, tu le vois comme quelque chose de très stratégique, de très nécessaire, et donc on s'en empare comme un outil, comme un levier pour transformer la société, ou est-ce que finalement c'est quelque chose de beaucoup plus primaire, où en fait tu le fais parce que ça te fait du bien et parce que c'est vraiment en toi, et donc ça tombe bien si c'est dans l'air du temps et si c'est un besoin, mais finalement peu importe, ou est-ce que même il y a une troisième voie, je ne sais pas. Non, c'est plutôt la deuxième, c'est-à-dire écrire, pour écrire un écrivain qui devient bon, intéressant, c'est un écrivain qui allait vraiment dans sa source, qui offre au monde sa voix singulière. Je ne sais pas si c'est ce que j'arrive à faire, j'espère un jour y arriver, peut-être pour mes 2030 glorieuses, mais en tout cas, la question qu'on se pose, c'est ça, c'est quelle authenticité, quelle intensité je peux offrir au monde dans un texte. Et donc la partie plus technique, stratégique que tu mentionnes au début, non, c'est pas comme ça que je me la pose. Des fois ça m'amuse d'ailleurs d'entendre des choses en lien avec ça, ces nouveaux imaginaires stratégiques. Moi c'est plus, je me pose à ma table et je me dis qu'est-ce qui est en moi par rapport à ce que je vois, ce que je vis dans les entreprises, autour de moi, comment ça me traverse aussi au quotidien. Ça me semble très important de relier tous ces thèmes de permaculture, de décroissance, de responsabilité des entreprises à des choses que j'ai vécues, et de le relier vraiment à presque de l'intime. Donc, c'est plus qu'est-ce qui me semble vraiment nécessaire d'écrire aujourd'hui. Et en l'occurrence, ça prend cette forme. Mais quand tu entends des écolos de l'ancien monde, justement, qui arrivent avec toute cette charge négative, c'est connotation lourde et qui malheureusement aujourd'hui immobilise plus qu'elle met en mouvement. Toi, ça te fait sourire, toi, ça te frustre, toi, ça te met en colère. Ah non, tu ça, me dis non, que... moi, mes réflexes, c'est... Ah non, c'est un très beau personnage pour un roman, voilà, tel que tu le décris. Peut-être qu'il y a une part de moi qui est frustrée, dans le fond, mais la première chose que je me dis, c'est intéressant d'un point de vue romanesque, un tel caractère. C'est du matériel d'écriture pour toi, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça me rend fou dans le sens où, si supposément ces écolos savent mieux que les autres, bah, en fait, quel aveuglement de ne pas voir à quel point nous sommes des animaux irrationnels, des animaux sociaux par excellence, on existe à travers nos histoires, et donc... c'est ces émotions qui nous permettent de nous relier, de nous mettre en mouvement. Et malheureusement, j'ai l'impression que les émotions, en général, on a décidé de les mettre de côté ou d'en utiliser qu'une, deux, qui sont de la haine, de la colère, et qui, et c'est pas moi qui le dis, dans n'importe quel Star Wars ou je sais pas quel film à l'américaine, on trouvera encore ces phrases qui nous disent que la haine mène à la haine et que la colère ou je sais plus quoi, mais qu'on sait que c'est quelque chose qui va aller crescendo et qui va pas apporter au monde. Je peux pas m'empêcher d'être très frustré de voir tout ça et de me dire que c'est un incroyable gâchis. Ah ouais, alors moi je pense que je me dis vraiment qu'on se raconte tous des histoires et voilà, que sûrement je m'en raconte une comme ils s'en racontent une et qu'on est, et c'est ce très beau texte là de Nancy Houston, l'espèce fabulatrice, que vraiment tout ce qu'on a fait est une histoire et qu'on est dans ces illusions diverses et variées qui nous font vivre, qui nous aident à vivre. Voilà, la religion est une histoire, le capitalisme est une histoire. Et ce qu'elle dit dans ce livre, ce que je trouve très beau, et ce que j'aime avec la littérature, c'est que la littérature est le seul endroit qui se revendique comme tel, qui se revendique comme une histoire, alors que les autres se pensent dans la vérité. Ouais, c'est ça. Alors que si on disait que du capitalisme ou de la religion catholique, elle est une, ou qu'ils sont une histoire, ça serait un peu plus évident ou facile de les rendre obsolètes et de les contester et de leur trouver des alternatives, alors que là on a l'impression que c'est quelque chose qui est presque une sorte de mécanisme inhérent à l'humanité dont on ne pourrait pas se défaire. Il y a justement deux choses autour desquelles j'aimerais tourner avec toi sur cette notion d'histoire, et je le prends par ce bout-là. La première, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est une bonne histoire qu'on a? Et du coup, toutes les personnes qui sont ici et qui nous écouteront derrière dans le podcast et qui ont envie de propager les 2030 glorieuses et que ces 2030 glorieuses, elles soient justement glorieuses avec plein de S. Et comment on sait que ce sont vraiment des 2030 qui sont glorieuses? C'est une bonne histoire. Bon, on peut repartir des émotions, hein, parce qu'elle me donne des émotions qui sont, ce qu'on appelle, agréables. La joie en particulier. Moi, j'aime beaucoup parler du principe de plaisir. Je travaille aussi dans la nutrition. Pour moi, le plaisir est un des trois piliers d'une bonne assiette, avec le végétal et la diversité. Et si on parle aussi de permaculture, le troisième principe de la permaculture, c'est créer une production, ce qui paraît évident d'un point de vue agricole, mais quand on est dans une sphère plus philosophique, éthique, créer une production, c'est aussi avoir du plaisir. C'est un des deux fondateurs de la permaculture qui disait, Bill Mollison, je pense que le plaisir et la joie est une boussole très importante. Donc, si c'est une bonne histoire, c'est qu'elle me donne à un moment de la joie, du plaisir. La littérature, avec la littérature, avec les mots, avec les verbes, avec les phrases, les paragraphes qui sont des petits jardins, on doit être capable de danser sur ce désenchantement presque, danser sur voilà, les ruines du capitalisme. Donc, c'est aussi une façon d'avoir de la joie là où on s'y attend pas. Et donc, on accepte que nos histoires à venir, elles soient forcément chaotiques, parce qu'on parle d'un plaisir monopolistique ou... Le plaisir passait par la surconsommation, la domination, le pouvoir, l'accumulation. C'était quand même un peu tout du même credo, à plein de nouveaux plaisirs. Et alors, donc, voilà, on a des histoires qui vont être un joyeux bordel. En fait, c'est ça, les 2030 glorieuses. Alors, on peut relier tout à fait le désir et le chaos. Le bordel me paraît intéressant. Et aller explorer une infinité de diversité de désirs, de plaisirs, effectivement. Ouais, ça me paraît bonne boussole, en tout cas. Et comment faire justement pour que ce plaisir, on retombe pas très vite dans le piège de cette envie qu'on nous aurait créée? Comment on sait qu'on tient vraiment notre joie profonde, notre plaisir durable, celui qui nous rend profondément vivants? Comment toi, tu arrives à le suivre peut-être déjà personnellement, et comment tu arrives à le laisser transparaître dans tes histoires? Bah, c'est pas évident. Comment c'est pas un greenwashing Oui. qu'on nous Comment impose? on a son. C'est ce que j'essaie de mentionner dans le livre, justement, parce que je suis partie de la couleur verte comme un des Bah fils oui. verts du livre. Et justement, parce que je voulais libérer des slogans publicitaires, libérer cette couleur des slogans publicitaires et justement se connecter à son propre désir et non ce que nous a inculquer la publicité et la société des hommes. Mais ça, c'est l'histoire d'une vie. Comment se reconnecter à sa propre source, être pas dans se conformer voilà, à la fois aux attentes des autres, aux attentes, et puis aux dictats de la publicité qui sont énormes. Je crois que j'ai mis le chiffre, hein, j'essaie de permettre beaucoup de chiffres dans ce livre, mais qu'il y en a 15 000, je crois, 6 000 lignes publicitaires dans la journée. Donc on parle de quelque chose d'absolument gigantesque. Comment on se repose la question de quoi j'ai vraiment envie? Moi, j'ai pris cette appellation qui est aussi un des fils verts du livre, La vie simple et sincère. C'est quoi la vie que j'ai envie de mener si je remets tout à plat? Si je me questionne vraiment très profondément, finalement, c'est assez simple. Et du coup, moi, ça me fait me dire, et c'est marrant parce que j'y réfléchissais aujourd'hui, je suis passé devant encore une de ces publicités qu'on voit par milliers, comme tu le dis, tous les jours, et la promesse était encore d'évasion, de quelque chose d'extraordinaire, de légendaire, voilà, c'est ça. Mais ça, on est risible. C'était un parc à jeux pour enfants, et on entrait, ça nous promettait d'entrer dans la légende, je sais pas quoi, et je me disais, mais c'est vraiment fou. Et en 2030 glorieuse, j'imaginais une publicité qui était en fait complètement humble. Et donc, j'imaginais tout à fait la contre-publicité des 2030 glorieuses qui disait ce parc à jeux, c'est un endroit où on peut passer un bon temps en famille, dans des conditions qui sont agréables, pour finalement laisser vos enfants tranquilles et avoir un peu de temps pour vous. Tu vois, j'imaginais vraiment la contre-publicité où le truc était presque trop rationnel parce que ça disait juste la vérité. Simple et sincère, ça me semble être un bon mantra pour les Il y aura publicités en 2030 glorieuse, non? même plus de publicité peut-être en Ouais, 2030 peut-être. glorieuse. Et tu parlais de la fresque du climat en introduction. Moi, la partie que j'aime dans la fresque du climat, c'est vraiment, elle est très courte, hein, mais c'est ce qu'on ajoute un petit peu avant-après. On commence par demander aux gens ce qu'ils aiment. Ils écrivent sur un post-it dans leur poche. On fait toute la fresque avec son lot, enfin tu l'as très bien présenté, de catastrophes au pluriel. Et à la toute fin, chacun ressort son post-it et lit, et voilà, qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que j'aime. Et voilà, on vient de passer 3 heures à parler de véhicules hybrides, de chauffage, de chandail, de publicité, de trier de ses déchets. Et là, on lit des. Moi, ça me met les larmes aux yeux à chaque fois. Hein. On lit des. Il y a un tour de table, chacun lit son post-it qui va être, je sais pas, dîner avec mes voisins, rire, parler politique. Manger un bon repas avec ma famille, prier, marcher, courir, aller au théâtre, lire un livre. Voilà, et c'est extraordinaire, ça parle pour soi en fait. Et l'autre question, tu vois, sur cette notion d'histoire que je voulais te poser, enfin, même plusieurs questions, j'aimerais qu'on traîne un petit peu sur cette notion-là, c'est quand est-ce qu'on décide qu'on est légitime pour raconter des histoires? Alors, j'aimerais peut-être avoir toi, ton retour, le moment, ton déclic, je sais pas, où tu t'es dit, bah oui, en fait, j'ai le droit de raconter des histoires, j'ai même le droit de les publier. J'aimerais que tu me racontes ça. Alors déjà, ça me fait penser que par rapport à cette question du désir, c'est aussi quelle histoire j'ai envie de raconter. Et la reverdice, à la base, c'est un genre poétique du Moyen Âge. J'ai retrouvé ça en lisant les livres de Michel Pastoureau, hein, qui est un historien qui a écrit des très beaux livres sur les couleurs, en particulier sur le vert. La reverdie, c'est un genre poétique qui va à la fois célébrer le retour du printemps, le plaisir qui s'en dégage et la renaissance du sentiment amoureux. Alors maintenant, je m'amuse beaucoup quand je lis, là j'ai trouvé des phrases chez Proust, c'est de voir les traces qui sont en lien avec ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et moi, j'ai beaucoup entendu des éditeurs dire, ah oui, alors il faut qu'il y ait 40 000 signes, on écrit un livre finalement assez commercial, on va d'un point A à un point B avec un héros, si on a de la chance, une héroïne, etc. Moi, si je me pose vraiment la question, j'ai plus très envie d'écrire ça. J'écris deux premiers romans qui sont pas tout à fait ça, mais quand même un petit peu, même si l'histoire, surtout du premier, est quand même part un peu dans tous les sens. Donc déjà, c'est voilà, cette question de quel type de livre on a envie d'écrire, quel type de roman, puisque c'est très large, hein, on n'arrête pas de... Le roman se réinvente, les formes littéraires. La question de la forme est vraiment très, très intéressante. Hein, quelle histoire je vais raconter et quelle forme je vais lui donner. Donc moi, j'ai moins envie qu'avant. Je ne sais pas si j'ai d'ailleurs eu envie ou si ce n'était pas justement des dictats qui venaient de l'extérieur, mais en tout cas, j'ai moins envie qu'avant de lire et d'écrire des histoires, somme toute, assez classiques, chronologiques comme ça, de héros qui vont d'un point A à un point B, en affrontant différentes expériences et en sortant grandi. Voilà, la vie me semble un tout petit peu plus compliquée que ça et j'ai envie d'écrire des livres qui sont plus près de la vraie vie vécue. Et le déclic pour savoir si on est crédible pour écrire des histoires. Alors moi, en fait, il y a quelque chose qui date d'il y a assez longtemps. J'avais commencé, donc j'avais écrit quand même pas mal de textes vers 12-13 ans. J'ai jamais arrêté vraiment. Et j'ai fait mes études. J'ai commencé à écrire des livres de nutrition. Hein, c'était mon métier à la base. Et après, j'ai écrit un premier essai qui s'appelait « La part de la terre, l'agriculture comme art ». Donc j'étais déjà, c'est drôle, il y a 10 ans, j'étais déjà à me poser cette question, agriculture, art. Il y avait quelque chose déjà qui me travaillait beaucoup là-dessus. Enfin, en tout cas, c'était cette partie plus essai. Et un jour, je suis tombée sur un écrivain célèbre que je ne mentionnerai pas là, au théâtre, à qui j'avais déjà un petit peu parlé, voilà, et qui m'a parlé de son roman avec une certaine arrogance, somme toute, qu'il était en train d'écrire. Et je suis rentrée et je me suis dit, il n'y a pas de raison que moi, j'écrive pas aussi un roman. Et que je parle pas d'autre chose en fait que justement les sujets qu'il vient de mentionner. Et vraiment, je m'y suis mis le lendemain. C'était mon premier congé maternité. J'ai pas arrêté d'écrire pendant 2 mois. C'est vraiment le premier texte qui a jamais été publié, hein, mais que j'ai fini d'écrire. Et ça a été ça le déclic. C'était vraiment, si il peut le faire, pourquoi pas moi. Il y avait donc une part de choses un peu négatives, hein, peut-être un peu de colère, de vengeance, je suis une femme et j'ai 30 ans de moins, mais en fait je vais y arriver moi aussi. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment mis en mouvement. Mais du coup, ce côté un peu revanchard, on l'a tous. En ce moment, oui. On voit à quel point on est revanchard envers une classe qui n'est pas la nôtre, envers une génération qui n'est pas la nôtre, envers un peuple qui n'est pas le nôtre. On a tous une revanche contre quelqu'un, une bataille à mener. Est-ce que finalement, c'est ça notre prétexte pour se dire qu'on est tous légitimes pour écrire, pour proposer de nouvelles histoires, pas forcément non, en passant par l'écriture? Je pense que chacun a son prétexte et peut-être que face à ce sentiment de la colère, de l'envie, c'est peut-être mieux de se mettre à écrire que de prendre un fusil. Mais ces émotions que j'appelle désagréables sont tout aussi intéressantes que les autres parce que justement, elles nous mettent en mouvement. Mais après, c'est voir comment ça va nous mettre en mouvement. Qu'est-ce que ça va nous donner envie de faire? Parce que moi, cette question de l'action, c'est aussi ça dont je parle beaucoup en permaculture, me paraît vraiment importante. Donc, comment j'entre dans la danse? Par quoi je commence? Qu'est-ce que j'ai envie de... Quelle est la pierre que j'apporte? Et la pierre que je porte, ou le livre que j'écris, ou le jardin que je fais, il peut être très beau, mais les motivations que j'ai eues à la base, elles sont mélangées, encore une fois. Moi, je passe par l'humour, tu vois. Je commence mes ateliers en disant que justement, on va arrêter d'être français, on va arrêter d'utiliser le « oui, mais », même quand on parle avec quelqu'un avec lequel on est d'accord, mais on va utiliser le « et si » de Rob Hopkins ou pourquoi pas le « oui, et ». Au moins, c'est déjà ça. Et on s'autorise à ne pas être nous-mêmes. Et du coup, ça crée un peu ce côté exotique, j'ai l'impression, qui fait que le cadre est facile. On rencontre des chefs d'entreprise, on rencontre des personnes qui vivent dans des quartiers vulnérables, on rencontre des lycéens, on rencontre des gens qui sont juste curieux de ces sujets, des militants écologiques qui sont à bout de force, à bout de rêve et qui ont besoin de se réénergiser. Waouh ! Comment on leur dit à tous ces gens-là qui ont eu l'habitude qu'on nous transmette un message dominant, une histoire dominante, des rêves dominants auxquels on n'avait qu'à croire et pour lesquels on avait juste à mettre un bulletin dans une urne, par exemple? Comment on fait en sorte que tous ces gens-là se sentent aptes à proposer des histoires, à les coécrire ensemble et à s'emparer de leur futur pour le co-construire immédiatement? comment on les fait changer de regard, en fait, d'une certaine Ouais, comment façon. on les empuissante dans leur capacité Ouais. à créer notre récit national, à minima territorial, en tout cas collectif. Moi, on me demande assez souvent, en fait, hein, comment écrire, comment s'y mettre, et j'aime bien parler de tous les rituels, de toutes ces histoires, de... Mais pour moi, il y a une chose, une chose très, très importante, c'est de lire. Lire beaucoup. Pour voir justement que, à force de lire, on apprend comment écrire, et pour toucher à toutes ces singularités, et pour voir que certains ont des histoires 10 fois pires que les nôtres et les ont racontées avec brio, en fait. C'est pour moi la. Pour moi, en tout cas, la grande porte, voilà, c'est vraiment cette capacité à lire. Et justement, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu écolo qui lisent beaucoup d'essais. J'essaye beaucoup de leur dire, mais lisez aussi des romans, parce que c'est vraiment ça qui va ouvrir le cœur, vous faire ressentir des émotions. L'écrivain en a ressenti en écrivant, vous allez en ressentir d'autres. Mais c'est ça qui va vous mettre en mouvement aussi, vous faire. Moi, je me souviens d'un livre d'Harry Crews où j'arrive à me mettre complètement à la place d'un. Munijambiste, aveugle, enfin je sais plus exactement, mais il y a que la littérature qui offre ça. Donc pour moi, c'est. Moi, j'anime des ateliers, j'anime aussi des ateliers d'écriture et je lis beaucoup. Et quand j'anime des ateliers d'écriture, je dis aussi qu'il faut. Enfin, voilà, que c'est vraiment très important aussi d'avoir cette capacité à lire. Et je lis aussi beaucoup de textes en atelier, avec des voix qui sont très différentes les unes des autres, toujours en lien pour moi avec quand même cette l'écologie dans le sens lié à soi, lié à l'autre, lié à la nature, il y a toujours ce thème-là. Mais j'offre à lire des textes souvent écrits par des femmes, mais en tout cas qui ont des styles très différents les uns des autres. C'est pour donner envie de trouver son propre style, finalement. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, hein, le roman, c'est pas simplement sur la plage pour se vider la tête et derrière, pourquoi pas retourner à un essai un peu plus sérieux. C'est un type de roman, encore une fois, chacun son. Il y a vraiment des gens qui ont envie de ça, qui me disent ah, j'adore ce livre, je l'ai lu en 40 minutes, c'est génial. Voilà. Moi, c'est pas lire un livre en 40 minutes qui va me dire qu'il est génial. Chacun va chercher ce qu'il a envie, mais pour moi, la littérature, en tout cas, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que C'est. sur cette question utopiste aussi, on ne pourrait pas élargir un peu effectivement à toutes ces histoires qui sont dans nos livres, mais aussi à la manière dont on nourrit notre intellect avec les actualités qui sont malheureusement massivement tournées vers le négatif, les vidéos qu'on regarde sur des formats trop courts et en plus déresponsabilisantes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en fait tout le contenu qui passe devant nos yeux qui est à revoir mais presque de fond en comble? Bah si, la littérature est tout sauf du contenu au final. Hein. Et effectivement, c'est qu'on est très habitué à des temps courts, à zapper. Voilà, prendre un livre, c'est un geste presque révolutionnaire aujourd'hui. C'est ce que je dis, c'est voilà, à la fois cultiver un jardin, prendre un livre dans un monde où tout compte, tout est se compte en dollars, tout doit être fait vite, tout doit être efficace, ce sont des actes de résistance. Donc oui, c'est invité, tu as raison, c'est invité à ouvrir des livres, ouvrir d'autres livres, pouvoir se mettre à la place de d'autres personnes et puis être vraiment traversé par des histoires, pas comme le font des essais ou des petites vidéos, enfin, en tout cas de mon point de vue. Merci pour ces 45 premières minutes, Louise, qui sont passionnantes. J'aimerais bien qu'on ait une conversation d'une vingtaine, trentaine de minutes. Carole, Florencia, Lucas, si vous êtes avec nous et que vous voulez bien préparer vos questions, vous n'hésitez pas. Je retiens de notre échange, en tout cas, que toi, tu as beaucoup presque de pulsions à l'écriture. Ça me fait penser un peu à cette histoire qu'on entend de temps en temps sur Amélie Nothomb qui se réveille tous les matins et qui écrit ses 3 heures parce qu'elle n'a pas trop le choix, en fait, et que sur les 3 romans qu'elle écrit chaque année, elle en publie qu'un. J'ai l'impression que ça fait partie de l'hygiène, comme en fait, Alors moi, il j'en y a des écris personnes beaucoup moins, mais qui, oui. oui, il y a des personnes qui vont courir et il y en a d'autres qui prennent le clavier, en fait. Absolument, c'est ça, tu as raison. Florencia, Carole Lucas, qui a des questions qui vient, qui vous brûle les lèvres et que vous voulez absolument poser tout de suite, qui se lance alors? Et j'ai une question, et tu avais évoqué, Louise, que souvent dans tes ateliers, tu fais des lectures. Et je voulais savoir si c'était des lectures à toi, des récits aussi à toi, ou si tu partageais plutôt les lectures ou les histoires qui t'ont inspiré. Ah non, non, je lis pas mes propres textes. Mais tu as raison, je devrais, dans le fond. J'aime bien créer la surprise. Donc je peux commencer avec quelque chose d'assez attendu sur un texte qui est fortement connoté d'un point de vue écologique, à la limite même presque un essai, pourquoi pas. Et après, offrir un texte de Virginia Woolf ou de Marguerite Duras pour qu'on se rende compte déjà qu'en fait on parle de la même chose ou que ça va ouvrir et faire changer de regard. Donc je mélange des thèmes, des styles sur, très différents. Mais ce ne sont pas mes textes. Non, je viens avec des textes, moi, que j'adore, que je pourrais presque lire toutes les semaines, qui sont qui vraiment mettent des mots sur des choses que je ressens, comme si presque je les avais écrits moi-même. C'est ça un bon texte, hein, c'est vraiment un texte qu'on a l'impression qu'il est vraiment écrit pour nous. Et d'ailleurs, je permets, Florencia, avant de te rendre la parole, si jamais tu veux poursuivre ta question, de moi t'en poser une autre de question rapide, Louise, sur les ateliers fresques des nouveaux récits et ateliers futurs proches auxquels peut-être tu as déjà participé ou dont tu as Non, alors moi peut-être non, déjà j'ai entendu animé parler. des Ce sont... fresques du climat, mais pas les celles-là, non. Ouais. La fresque des nouveaux récits commence comme une fresque avec un jeu de cartes et la deuxième moitié, c'est un atelier d'écriture prospectiviste. Futur proche, c'est que ça, c'est que de l'écriture en petits groupes. Et ça donne des nouvelles d'ailleurs que tu peux retrouver sur la page des nouveaux récits qui sont assez chouettes. Est-ce que tu penses que l'écriture comme ça, et notamment l'écriture collaborative, ça peut être un levier d'imagination de tous ces possibles? Bah c'est une très bonne question. Ce que je trouve intéressant dans les ateliers, c'est qu'on va s'écouter. On va écrire et puis on va s'écouter les uns les autres. C'est pas de l'écriture collaborative. Alors moi, c'est pas on écrit un texte à 3-4. On a un sujet, chacun va écrire, mais après on s'écoute. Donc ça, je trouve que c'est déjà très beau. Et écriture collaborative, alors moi, je l'ai vécu une fois pour mon premier essai sur l'agriculture. C'est quand même assez particulier, il faut être quand même assez aligné. Et là, je suis en train de lire un livre justement qui s'appelle L'Évaporée, où c'est deux autrices qui parlent. Mais moi, j'adorerais pouvoir écrire un livre à plusieurs, mais il faut trouver la bonne synergie. Et la question de Julien allait dans le sens où j'allais continuer à te questionner aussi, Louise, parce que justement, et moi, j'anime la fresque de nouveaux récits et j'avais jamais pensé à partager à vive voix un récit. Et je me disais que peut-être ça peut être inspirant parce que toi et Julien, vous parlez donc aussi, est-ce que, donc pour déjà faire rêver les gens, donc nous déjà, si on a déjà rêvé. Et aussi, si on partage aussi ce qu'on a rêvé, ça peut être intéressant. Ça m'a fait réfléchir un peu à ça, votre échange. Et sinon, j'avais une deuxième question, justement parce que tu dis, oui, même quand on est dans son atelier d'écriture collaborative, il faut qu'il y ait des synergies, etc. Dans la fresque de nouveaux récits, c'est des gens qui, dans les ateliers grand public suivants, c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout. Des horizons différents, d'âges différents. Et parfois, oui, j'anime aussi certains qui sont dans les domaines de l'agriculture, mais parfois c'est vraiment tout intérêt confondu. Donc les gens ont et parfois du mal à trouver un point en commun. Et je me disais donc si pour tes livres, donc et pour la Reverdy, est-ce qu'on peut tous se retrouver aussi? Ou est-ce que c'est un livre aussi orienté vraiment à des gens qui sont déjà initiés ou pour tous. Bah, c'est une très bonne question. J'espère que c'est pour tous, mais je ne sais pas. En vrai, la question, j'en avais parlé à Julien, d'ailleurs, je pense que ça, malheureusement, j'ai l'impression que c'est plutôt. Enfin, en tout cas, j'ai plutôt eu des retours de femmes. Mais j'ai eu des retours de personnes extrêmement sensibles à l'écologie, mon éditrice, hein, Sandrine Rodeau, qui l'a évidemment aimée, sinon elle n'aurait pas publié, et des amis ou des libraires qui, a priori, sont quand même très éloignés de ces questions. Donc en tout cas, ça les touche sur tout ce spectre de la sensibilité à l'écologie. L'écologie, c'est la science des liens. Donc pour moi, c'est vraiment le lien à soi, à l'autre, au paysage. Mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dans le sens lien au paysage. Mais en tout cas, c'est des personnes qui ça peut être des personnes qui sont très concernées par ces sujets ou très peu. Mais par contre, j'ai compris là dans les retours que j'ai eus que c'est voilà, plutôt des femmes. Alors après, c'est plutôt les femmes qui lisent. Dans le monde de l'écologie, il y a aussi plutôt des femmes. Donc je pense que là, on touche à un problème un petit peu plus vaste. Mais en tout cas, j'ai eu plutôt des retours, d'ailleurs pour mes trois romans, hein, de femmes. Merci beaucoup, Louise. Mais avec Merci plaisir. Florence pour cette première question. Carole Lucas, est-ce que vous voulez embrayer? Oui, moi j'ai deux questions. Alors, une première qui est plus une curiosité, mais du coup, je me demandais entre ton travail d'écriture et justement des moments plus d'action ou alors plus de contact avec la terre ou autre, enfin, comment t'équilibres ça et comment peut-être l'un nourrit l'autre et voilà, de manière un peu plus concrète, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment les pieds sur terre et la tête dans le ciel, tu vois. C'est quelque chose de très important pour mon propre équilibre, d'avoir des moments d'écriture et puis des moments beaucoup plus concrets, que ce soit dans un jardin, pas beaucoup en ce moment, ou dans une entreprise. On pense avec nos mains déjà, donc quand on est en train de travailler, quand on a les mains occupées à cuisiner, à passer le bâton de parole, on a des choses qui nous viennent. Donc, je pense que ça, c'est très nourrissant aussi à ce moment-là. Et moi, après, c'est vrai que j'ai besoin de me poser pour les écrire, pour les comprendre, pour qu'elles me traversent, pour qu'elles soient bien mises en mots et que je puisse vraiment les saisir, les voir, les sentir à ce moment-là. Mais j'aime vraiment cet équilibre. La permaculture offre ça déjà, parce que la permaculture, c'est une éthique, une philosophie, hein, avant d'être une technique agricole, et elle offre vraiment à penser de façon vraiment intéressante, tout en ayant les pieds très ancrés, parce qu'elle offre aussi à penser sur des sujets très concrets comme un quartier, l'énergie, l'agriculture. C'est ça que j'aime dans la permaculture, et c'est ça que j'aime dans cette alternance, par les hybridations, entre des choses qui paraissent très différentes. Et j'ai commencé en disant que j'étais écriturière, parce que je trouve que dans ce mot-là, il y a quelque chose de l'ordre du métier à tisser, hein, de l'artisanat. Et finalement, écrire, on pourrait imaginer que c'est quelque chose aussi de très perché, mais parfois c'est quelque chose aussi de très concret, hein. C'est vraiment remettre le tableau sur le chevalet et puis recommencer, recommencer. Écrire, c'est aussi beaucoup enlever, hein. On écrit 10 pages et puis on n'en gardait qu'une demie parce que bah, les autres ne sont pas bonnes. Et c'est un petit peu comme quand on cultive un jardin, où, voilà, on essaye, on tente, on recommence, ça ne fonctionne pas. L'écriture est de la permaculture aussi, dans le sens où tu vas avoir une page, un paragraphe, et tout d'un coup, si tu enlèves une phrase, ça va être très différent. Tu vois, pareil, si tu as un jardin et puis tout d'un coup, tu enlèves juste un pied de basilic et tout d'un coup, tu te rends compte que tout va être très différent. C'est un petit peu la même. Il y a quelque chose de proche aussi à cet endroit-là. Est-ce que dans ta question, Carole, il y avait peut-être aussi l'envie de comprendre un peu le rythme qu'avait Louise entre son écriture, ses différentes Oui, activités? en effet, comment les moments qui ne sont pas des moments d'écriture peuvent venir permettre de l'inspiration au moment d'écriture. Ben, en fait, Mais je sais pas si tu peux déjà, j'ai mon répondre. carnet. Donc, quand je vis ces moments-là, j'ai toujours mon carnet. Bon, là, je ne l'ai pas, mais où je prends des notes éventuellement si des choses me viennent. Après, en termes d'emploi du temps, c'est très différent en fonction des moments. Des fois, je ne fais que écrire pendant 3-4 semaines parce que je suis dans les corrections. Donc, justement, enlever. Voilà, et puis à certains moments, je vais pas vraiment écrire de ligne pendant 3-4 mois. On a un peu le mythe de l'écrivain devant la mer avec son whisky, sa cigarette et qui attend l'inspiration. Moi, c'est pas ça, en tout cas. Enfin, en tout cas, de mon côté. Moi aussi, j'ai aussi 2 enfants et justement, l'écriture se tisse à toute cette vie. C'est des phrases attrapées au vol et puis parfois, évidemment, des temps calmes, besoin d'être dans sa chambre à soi, à son bureau. Moi, je pense qu'il faut 2, 3 heures pour avoir une vraie belle session d'écriture, donc on n'a pas ça souvent à l'échelle d'une semaine, hein. Sauf si on écrit la nuit. Ok, merci beaucoup. Et du coup, juste ma deuxième question, c'était plus sur les utopies et les futures étapes, parce que c'est ce dont on parle ou on fait réfléchir pendant les 2030 glorieuses. Et je me demandais s'il y avait eu des utopies dans la littérature qui, toi, t'avaient inspiré et que tu recommandais. C'est vrai que je viens me relancer plusieurs fois sur ce mot qui ne m'inspire pas du tout, ce mot. Moi, c'est tellement le présent qui m'intéresse. Et je sais que finalement, on parle des mêmes choses avec des mots différents, hein. Mais ce mot d'utopie, à chaque fois, me fait faire un petit mouvement futur souhaitable, pareil, ça ne me parle pas Tes du tout. conversations avec Sandrine Rodeau devaient être sympas alors. Oui, absolument. Mais c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est pas être tout à fait d'accord, c'est discuter, c'est tenir des contradictions, c'est s'entremêler. Mais ceci étant dit, ta question c'est quelle lecture sur les utopies, hein, c'est ça mon. Alors, du coup, en termes de vraies choses qui m'ont arrivé, je vais encore faire de la publicité pour la Mer Salée, mais on sort un MOOC avec, on est une trentaine à avoir écrit un texte sur 2043. Donc moi, j'ai écrit mon petit texte. En gros, il y a des jardins partout, on fait du vélo, et voilà, c'est et on sème et on cultive et voilà, il y a des grandes bibliothèques magnifiques. Et sur les livres, je lis pas du tout du coup de livres futuristes comme ça. Je sais qu'on parle beaucoup d'Ursula Le Guin, je sais pas comment on le prononce, et que voilà, que c'est absolument merveilleux, ces livres en termes de science-fiction. Moi, j'ai assez de mal à lire ça. Par contre, j'ai adoré son essai qui s'appelle Danser au bord du monde, hein, qui a vraiment un titre magnifique. Moi, j'ai vraiment la chose qui me, pour être très très honnête, la chose qui me fait envie de lire, d'écrire, aujourd'hui, c'est justement de la non-fiction. Comme si on était arrivé à un tel état du monde, catastrophique, je pense qu'on est tous d'accord là pour le dire, qu'on ne pouvait plus se payer le luxe d'inventer des personnages, de se demander ça, et qu'on était là pour dire juste qu'est-ce qui se passe. Évidemment, c'est un travail, donc on va pas, voilà, si chacun se met à raconter sa vie sur le papier, ça ne va pas rendre pareil, parce que c'est un métier, ça s'apprend. Mais je lis beaucoup de non-fiction comme ça. J'ai lu la trilogie autobiographique de Deborah Levy, qui est absolument splendide. Je viens de lire un livre d'une américaine qui s'appelle Eulabis, qui s'appelle Avoir et se faire avoir, qui est vraiment sur ces sujets-là. C'est un récit, elle parle de sa vie, de femme intime, et elle parle de capitalisme, d'écologie à travers ça. Ça me parle énormément. Quand c'est raccroché là au présent, voilà, comme si on. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient, comme si on pouvait plus payer le luxe d'aller inventer des histoires, etc. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui à lire. À écrire, parce que moi j'ai envie de faire de continuer à écrire aussi encore deux autres livres après la Auverdine dans ce thème-là, je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est vraiment ça qui me vient. À l'échelle de la société, justement, j'associe vachement les 2030 glorieuses à la Reverdie, justement. On se dirait, bah voilà, la société elle est en train de vivre sa Reverdie. Ouais. Quels seraient ces signaux faibles qui nous feraient nous rendre compte que ça y est, cette Reverdie, elle a commencé, comme quand le printemps arrive et que on le mesure à quelques fleurs qu'on sait reconnaître, à quelques chants d'oiseaux qu'on revoit arriver. C'est quoi les chants d'oiseaux et les fleurs qui vont nous aider? Comme tu dis, justement, peut-être qu'on infléchit cette courbe de la sixième extinction et que il y a à nouveau plus d'espèces, plus de populations d'oiseaux, d'insectes. Toutes ces 9 limites planétaires, elles repartent dans l'autre sens, il y a moins de béton, voilà, l'air est un petit peu moins pollué, tous ces signaux-là se réinversent et repartent un peu dans l'autre sens. Et de manière un peu plus terre à terre, moi j'imagine une baisse de notre consommation de médicaments, j'imagine une hausse dans les abonnements ou les livres empruntés dans les médiathèques, j'imagine des choses comme ça qui en fait ne disent pas grand-chose et qui disent beaucoup. Il y a d'autres choses qui te parleraient, toi? Plus de pistes cyclables, plus de ventes de légumes et moins de ventes de pain de mie. Plus de livres, ça tu l'as dit, plus de bibliothèques, ouais. Plus de livres. Ouais. Il y a quelques années, les grandes chaînes de supermarchés s'inquiétaient du fait qu'elles vendaient chaque année de moins en moins de saucissons. J'ai l'impression que ça pouvait faire partie. Ouais, moins d'algues vertes, du coup, aussi. Oui, c'est signifiant. C'est la seule chose verte qu'il faudrait peut-être un petit peu diminuer. Et plus de verre dans les publicités, du coup plus de publicité. Plus de publicité, ouais, on se dit comme ça, on s'embête pas. Mais comment on fera alors, du coup, quand on aura un super produit, un super magasin ça suffira à soi-même. Bah, c'est ça, la bouche à oreille. Voilà. En 2030, le meilleur moyen de communiquer, c'est de faire de la bonne qualité, en fait. Probablement. Je sais pas si tu es avec nous, Lucas, depuis tout à l'heure, on a échangé par chat, donc si jamais tu as une question, tu n'hésites pas. Florencia, Carole, si vous avez quelque chose que vous voulez dire et compléter. Allez-y. Et sinon, moi, je voulais juste tourner une dernière fois avec toi, Louise, autour de cette notion de glorieux. Tu dis que les utopies, ce n'est pas un mot qui te rend très à l'aise. Et là, tu es en train de, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais de déterrer ce mot de reverdi qu'on avait un peu oublié. Moi, j'ai envie de redonner son lustre au mot de glorieux. Est-ce que tu as un lien comme ça, affectif, avec certains mots et que tu penses qu'il y a presque un combat à mener pour pour faire en sorte de se les réapproprier, de les remettre dans le bon sens parfois, ces mots. Il y a la question de la croissance aussi qui a été vachement abîmée et complètement connotée à l'idée de croissance économique pure, infinie. Bah justement, dans mon premier roman, La Dislocation, je voulais offrir un hôpital pour les mots. Tu vois, tous ces mots abîmés. Et c'est le propre de la littérature, de la poésie, hein, c'est de libérer les mots de leur signification, de leur en donner une autre, de les remettre en selle, en fait, hein, c'est ça, de les guérir. Glorieux, j'adore ce mot, ça me fait vraiment penser à Camus. Ça me fait penser à Albert Camus, un livre que j'adore qui s'appelle Noce, qui est peut-être mon utopie. C'est le livre qu'il a écrit à 26 ou 27 ans, son premier livre, Noce, et qui est un très petit livre que je lis chaque année, justement plutôt au printemps, qui est vraiment magnifique, juste dans la plénitude de l'être, la joie d'être au monde. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Quand on a un petit peu préparé cette session ensemble, ce mot glorieux, quand tu l'as dit, vraiment, ça m'a fait penser à, je ne sais pas pourquoi, à ce livre, non, c'est Albert Camus. Et sur les mots, évidemment, il y a plein de mots que j'ai envie d'éterrer, à qui j'ai envie d'offrir un nouvel écrin. Il y a des mots comme ça qui... Reverdi, c'est vrai que c'est Sandrine, hein, qui l'a, en lisant le texte, qui a dit c'est la Reverdi. Le travail souvent de l'éditeur, hein, de trouver le titre, et c'est très beau, parce que c'est vrai que quand elle m'a dit ça, ça m'a énormément parlé. Et je n'avais pas réalisé, je crois, en le déterrant, à quel point il était beau. Quand tu enlèves le D, ça fait rêverie. Donc ce mot, effectivement, me plaît beaucoup, même si je pense qu'on n'est pas nombreux à le connaître et qui peut sembler un peu déroutant et étonnant au premier abord. Et il y a un autre mot que j'adore, c'est métamorphose. J'essaye de ne pas l'employer trop. Ce sera le titre de ton prochain roman ? Non. Ça a déjà été pris par Kafka. Je pense qu'il le prendra pas mal si tu l'utilises. Il a plus trop son mot à dire là, maintenant, de toute manière. Je préférerais pas, quand même. Florence, on t'écoute. Oui, une question du coup, parce que c'est vrai que comme je n'ai pas encore lu ton livre, Louis, et donc j'ai gardé dès le départ du coup de notre rencontre que tu parlais donc de l'écriture d'un récit non fictif. Et là, du coup, aussi, quand tu as partagé un peu tes sources d'inspiration, tu faisais aussi un accent fort sur la dimension réelle. Et du coup, donc, ça veut dire que la rêverie raconte une histoire qui est réelle, dans le fond, qui est attachée à des faits réels, mais mais tu racontes une histoire. Exactement. Ouais. C'est pas que je raconte mon histoire, ma vie, ce serait pas forcément intéressant, mais j'explore des morceaux. C'est tu vois, à la base, c'était des fragments, hein. C'était 200 fragments, puis je les ai remis ensemble par chapitre, j'ai beaucoup travaillé, et j'ai une trentaine de chapitres sur des thèmes plus ou moins éloignés de l'écologie, mais vraiment, je l'ai fait traverser cette question de la vraie vie, tu vois, je parle de la vaisselle, j'ai mis une recette de cuisine, voilà, je parle d'amour et de séparation, je parle de famille recomposée, je parle des enfants, tu vois, des rêves, des déceptions, des renoncements. Ok, génial, merci beaucoup. Il y a deux autres autrices auxquelles je pense d'ailleurs, juste, c'est toi, c'est Carole qui me posait la question tout à l'heure, mais d'une certaine façon, ce que j'aime lire aussi, ça pourrait être, alors on classifie plutôt côté essai, hein, mais Mona Chollet, c'est des essais, mais c'est très... on est avec elle, c'est pas mental, elle parle beaucoup de comment justement elle fait ses recherches, comment elle ressent les choses, comment ça s'est passé. Et aussi Maggie Nelson, qui est pour le coup une penseuse américaine, mais ses livres aussi sont très empreints de ça. Elle a écrit un livre qui s'appelle Bleuet, justement sur le bleu, et ça a été aussi un de mes déclics. Tu parlais, Julien, de à quel moment on est crédible pour parler. Je me suis dit, en fait, elle écrit un livre sur le bleu, il y a La Revanche, Lueur, à écrire. Ces échanges, ils étaient vraiment pensés et imaginés pour faire en sorte que toute cette communauté de guides qui est de plus en plus nombreuse, elle arrive à lever les freins pour animer des ateliers. On sait que de temps en temps, faire vivre des voyages à d'autres, c'est quelque chose de pas évident. Parce que la logistique, parce que les participants, parce que la communication, mais en fait surtout parce que le sentiment de légitimité, parce que le fil rouge ou vert, en l'occurrence avec toi Louise, a tiré de l'utopie, était pas tout le temps le plus évident. Et j'ai vraiment le sentiment que toutes ces soirées refuges, par la complexité de vos témoignages, de la richesse de vos pensées et de vos expériences. Ça nous permet tous et toutes de nous, justement, de nous affiner, de nous affirmer pour oser encore plus porter ces demi-trente glorieuses, les déployer pour soi, c'est sûr, mais aussi oser les faire vivre aux autres, parce que finalement, c'est un beau cadeau qu'on leur fait. Tout ce que tu nous as dit, Louise, je pense, vont beaucoup, ça va beaucoup nous aider, ça va nous permettre, je pense, pour certains ici, de lever des freins, de lever des obstacles, ou de le faire avec encore plus de joie, avec encore plus de gourmandise, là, tous ces voyages en 2030 glorieuses à venir. Donc, c'était vraiment, vraiment très précieux. Je te remercie. On annoncera dans tous les outils de communication des 2030 glorieuses la sortie de la Reverdy au bon moment. Et encore une fois, merci et bonne soirée à toutes et à tous. Merci à toi. Merci à vous. Merci à bientôt.